Ça va? C'est bon là, les micros fonctionnent, moi j'entends absolument rien dans mon casque, c'est quoi ce bordel? Moi je suis dans mon siège baqué, j'ai l'impression d'être dans Need for Speed. Toi t'as été tu viens de te faire tuner là. Ce soir c'est la garderie. Si vous voulez pas garder vos enfants, c'est maintenant. C'est interdit. Et moi ça fait un mois et des bruits de chez toi que je suis pas. On va commencer par présenter l'émission. Ah oui, c'est vrai. Bah, ils la savent. Radio aussi. Non, pas du tout. C'est Pyongyang Styrokers, numéro 280. De retour après une semaine, un mercredi d'absence. Et donc on a plein de choses à vous passer. On a 1h03 de programmation. Donc si on veut, on peut lancer puis après aller boire. Et encore, mais on a 17 minutes. Baratin, il énerve. Baratin Uberless, non, c'est en tout, je crois. Ah oui, c'est vrai. Non, mais j'ai compris. Bon, okay. Nous sommes ensemble jusqu'à 21h. Vous êtes bien sur Campus 106,6. Toujours. Mégahertz. Et donc, comme je voulais vous le passer la semaine, il y a deux semaines. Il y a deux semaines, tu nous as passé les 30 premières secondes. Ouais, il y avait que les 30 premières secondes qui étaient passées. Voici en l'honneur de Mark E. Smith, le génial chanteur de The Fall, décédé il y a un bon 5 ans maintenant, fin janvier. Déjà, mais trop tard pour les gens. Oh, je vous passe le titre en entier. La momie Mark. Momie de Mark. De Mark, oui, de Mark. Je vous passe. Ça fait comme la viande des grisons séchée. Allez. De grisons. Parce que c'est un grison, c'est un bison qui est gris. Voici donc The Fall avec Blindness. Si il était blanc, ce serait un blison. Absolument. Et si il était blue, ce serait un blouson. Et donc voici The Fall avec Blindness enregistré par l'incroyable John Peel, lui aussi regretté. D'ailleurs, on entend un petit peu sa voix au tout début. Et ça dure 6 minutes 30 avec quasiment que une note. En tout cas, à la basse, c'est que de la rythmique. C'est excellent. Prenez-en de la... je sais pas, moi genre, je connais pour la musique, t'es rigole, c'est pour ça que je fais du punk. Voici donc Blindness par The Fall, 6 minutes 30. C'est bien. Oh, putain, plastic! Gun Cavalry. Et les mauvais jours finiront. Bah, c'est pas fini là, au coup. Eh, t'arrêtes ta bras. Hein. Ça va, ah, normalement, c'est, bon, c'est Jérémy qui est au bordel sur les feuilles d'amour. Le fade, on a le droit de cutter. Oui, tu cutes. C'est exprès pour. Elle aime bien cutter. C'est à qui maintenant? C'est UT. Hein. C'est UT. Et oui, vous êtes toujours à l'écoute des programmes de Radio Campus, hein, Pyongyang City Rockers, hein, tous les mercredis soirs. L'émission de 20h à 21h. Tu pourrais être administrateur de la radio. Est-ce que pareil, ah oui, c'est vrai. On enchaîne, Cool Chain. Allez, bah, moi je vais enchaîner avec une nouvelle mouture du groupe nantais The Daltons, qui est ma formation préférée. Nantais. J'ai dit Nantais. Canet. Oh, ils sont morts. Non. Guillaume ils ont une nouvelle formation et pour le moment, bah, c'est ma préférée. Déjà que j'aimais déjà pas mal ce groupe avant, mais là avec Charles de Proto Kids Talking the Mic à la basse, Fred Guillamo des Suttles, entre autres, hein. Il y a aussi joué dans Périphériques, dans RS. Ça fait un moment donné, ça fait un moment. C'est bien ça, Périphériques. Ouais, non, ça fait que depuis. Avant le Confifi, quoi. Depuis le Confifi. Avant, parce que moi, je les ai vus déjà à la Brat. Enfin, l'ancienne Brat. Enfin, la. Quand ils étaient encore à l'homme. Ouais, mais là, je vais parler de l'album qui va arriver. Et en fait, c'est les premiers enregistrements de cette nouvelle formation. Exactement. D'accord. Et c'est vrai que c'est carrément mieux. voilà. Les Boys from the North Sides of the Land are back with a new 8-track album. Oh yes, oh yeah, cher. Tu vois, c'est pas mal de tout en anglais. Je n'ai rien compris à son anglais. Alors, la dernière, ils nous avaient déjà mis l'eau à la bouche avec un single qu'ils ont sorti uniquement pour leur date parisienne à 50 exemplaires que tu nous as ramené d'ailleurs, Audrey. Yaya. Merci encore. Avec plaisir. Et avec deux morceaux dedans, double tamponné et rive droite, qu'on peut désormais retrouver aussi sur ce nouvel album qui s'intitule Hier, Aujourd'hui, Maintenant. Promis, Dalton, la chronique, elle sera mieux sur Droogies. Mais on te merde. Une pochette. Elle sera vachement plus chiante. Une pochette, trop le bordel. Une pochette qui nous dit quelque chose car elle est presque identique à celle du single. Les prises. Ah putain, et c'est vrai que j'ai fait beaucoup de erreurs. Prise de son fête à la maison par Paul le batteur et Charles le bassiste. Paul, une tourtelle. Bon, masterisé tout de suite par Daniel. Mais non, mais non, mais. Bon, allez, vas-y, passe. Oh là là. Avec le morceau, ouais, écoutez Droogies Radio. C'est l'élégance à la Radio Campus. Voilà, c'était un morceau inédit qui sortira le 23 février sur le magnifique label Une Vie Pour Rien dans leur ce nouvel album qui s'appellera Hier, Aujourd'hui, Maintenant. Voilà, c'est les Daltons. Bravo. Bon, en même temps... Il y a Jérém qui rame là. C'est une formule qui tient depuis quelques temps maintenant, ouais. Un peu améliorée maintenant avec l'arrivée de Fred et de Charles, mais voilà. C'était bien quand on les avait vus au Google. Bah ouais, bah moi je les ai fait trois fois jouer à Lille, donc je suis conquis. Hein. Au moins ce café. Et j'espère les faire une quatrième fois. Bah il y a intérêt. Bah ouais. Bon, allez. Pourquoi ça se ferait pas hein. Je sais pas. Bah s'ils veulent pas venir. En tout cas, un groupe que ça m'étonnerait qu'on fasse, c'est les 1000 voyages de Jawaharlal. Ouais. Jawaharlal. Ouais. Avec ma prononciation dégueulasse, hein. Donc 1000 travel of Jawaharlal. Ouais, c'est compliqué ils à font prononcer. Quoi, hein. Ces gens ils font... Alors c'est un trio punk emo japonais qui débute sa carrière en 1999. On excuse le côté emo. Du côté de Fukuoka. Tu connais quoi? Ouais. Fukuoka. Ouais. Tout à fait. Ouais. Non, c'est une des grandes villes. Bah ouais, pour tout amateur de. Bah en plus ça t'aimais les mangas toi Jérém. Le côté de Fukuoka. Je sais pas si tu as ça sur une carte. Plus de ça. Le mont Fukuoka. Ouais. Très bien. La géographie cassé, avec quoi. Pyongyang City en cœur. Ah bah, on n'est pas coréen pour rien. En tous les cas, ils se sont fait connaître à cette époque-là, plutôt même en 2003, avec un album détourné en Europe et aux USA, et même un split avec un groupe de Tarbes qui s'appelle Agast, ouais, ouais, avec ma prononciation dégueulasse. Même en français. Et puis après, ils sont revenus en Belgique, ils sont à Gastoclès. Ah ouais. Bon, allez. Et il paraît que c'est inconnu, mais bon. Ils ont sorti un album en 2016. Ah ouais. Genre 15 ans après, et on n'entendait plus parler d'eux, et puis ils te ressortent un album. Ils sont pleins de surprises, ils sont comme Jérémy Robin. Voilà. Ils sont arrivés, puis juste après, paf, il y a eu la pandémie, puis paf, et puis ils ont redisparu pendant 15 ans. Elle a fait du bien quand même, cette pandémie. Oui, super. Alors là, franchement, au moins, c'est comme une bonne guerre. Ça fait du bien. Non, putain. On va encore revoir des études. Ça fait évoluer la science. 0,3, 22, 400. Allez, je vous propose Au-delà du verre, ou du miroir, d'ailleurs, je ne sais pas trop comment est la traduction. Ça s'appelle Garasuno Moku, hein, bon, sûrement. C'est ta faute, hein, c'est les mille voyages de Jawaharlal. Ah bah, de toute façon, j'ai choisi que des trucs en japonais ce soir. C'est pas le morceau qui est fumé, c'est Jérémy qui est fumé. J'espère que vous allez apprécier. c'est Emo mais Scrimo quoi. Bah ouais. Donc Youpi quoi. Sur Campus 116,6 Pyongyang City Rockers, voici Célia qui s'avance vers vous. Alors moi je vais vous passer à un groupe que je pense qu'on connaît tous ici, c'est un groupe de court track qui s'appelle Rod Stewart. Ouais. Ils sont bien, sur scène ils sont vachement. Ils sont géniaux. C'est un groupe qu'on organise souvent aux pistes d'ailleurs, une salle mythique à Courtrai. Ils ont sorti un tout nouveau split aujourd'hui. Ah oh ouais. Ouais. Avec qui Avec Freddy and the Freddy and the Vangrails. Ah ouais, bah c'est aussi le groupe local du Pit, c'est ça. Ça. Ouais. Et donc du coup leurs morceaux sont sortis sur Bandcamp aujourd'hui. Ils sont pas sortis au Pit. Bah, Génération de Loose et IG. Le split s'appelle All Split Up et il est sorti sur Obvi Records, c'est un label de Courtrai aussi. Ils font tout à la maison, quoi. C'est du DIY c'est local. C'est tout fait à la maison. Ouais. Genre, tu l'aurais pas dit à la radio française, ça serait jamais sorti de Courtrai, hein, tu sais. Oui, mais. On n'est pas tout à fait français ici. Hein. T'es quand même à Villeneuve-d'Ascq, bon, la frontière est pas loin, c'est le Nord-Pas-de-Calais, hein. C'est pas la France, vraiment. Ah, voilà. Non mais c'est vrai. Bon bah c'est bien. Et oui, puis en plus le chanteur de Rod Stewart, il avait remplacé au pied levé le chanteur de Scraps quand ils avaient fait 2-3 concerts en Belgique là, en fin d'année 2022. Ouais, il avait appris les trucs boum boum comme ça, puis ça avait, apparemment ça avait vraiment bien assuré. Ils étaient tout contents. Je connaissais pas cette anecdote. Ouais, si si. Tu sais le grand balèze là. Oui, je vois bien. Stewart. Ouais, allez, ouais, voilà. Voilà, voilà. Allez, tout de suite. Rod Stewart avec Génération Loose, suivi de leur morceau IG. IG pourquoi on verra bien. Ils sont de tournée, ils sont pas de portrait. Ils sont, ouais, ouais. Bon, ouais, j'avais envie d'annoncer quelques concerts qui ont lieu ce week-end. C'est un gros week-end festif, il y a plein de trucs, hein. C'est fou, quoi. Vendredi, samedi, dimanche, enfin, surtout vendredi, samedi. Si vous n'êtes pas encore jamais allé au Verlichterhest, t'as pas faire la promotion pour le concert de Courtrai, quand même. Yeah. Bah sinon, non, à Roulers. Ça va bientôt fermer, le 23 février, mais il y a encore quelques concerts d'adieu, donc là, ils vont faire un spécial hardcore avec la fine fleur ancienne du H8000, Archangel et Sector. Il y aura aussi Made It Fury et puis Deconsecrate et Weaklink, le Verlichter Guest à Roulers. Ça sera vendredi, toujours vendredi, du post-punk darkwave alternative avec Cryptids et Vivisection ou Au bout de nos rêves, à tourner, Gouin me croit. Est-ce que je peux annoncer le concert à Courtrai? Bah non, quand même. C'est organisé par Yordi. Ah non, là il me déçoit vachement Yordi. Pourquoi? Je parle de Vague et Night Sweat, c'est ça? Ah non, ça, non, c'est pas celui-là. Là. Bon, bah voilà. Donc, il y a du post-punk avec des gens de Hammers, Wounds, Blindfold et puis d'autres. Vague, V-A-A-G. Et un autre groupe qui fait du Dark EBM qui est pas mal du tout. Dark EBM, tu sais, c'est de la musique pour danser, mais dark. Voilà. qui s'appelle Night Sweats. Et puis ensuite, il y a une Death Disco Party, After Party, New Wave, No Wave, Post-Punk, Dark Beats, EBM. Il y a les trois DJ. Bowie, Juju et Ginger Army. Et c'est bien sûr au Pits. J'ai bien vu les DJ. Il y a aussi un pseudo-rack organisé par Jordi, quoi. Enfin, ouais. J'hallucine. Ah ouais. Ouais. Je ouais, dirais, on dit pas. Ouais, non, c'est hallucinant. Toujours vendredi, je finis avec tournée, mais cette fois-ci au Watermoulin, il y aura Andrew Surfers du raw surf rock and roll, Jack of Hearts du rock and roll psyché fuzz méchouné frélère. Oui, ah bah oui. Yeah. Comme ça, voilà. Et puis Tuesday Violence qui sont déjà passés sur l'île il y a pas longtemps. Quoi. C'est un groupe de Bruxelles qui fait du raw garage punk. Ça sera au Watermoulin avec deux chanteuses, me semble-t-il. Et puis sinon, ceux qui veulent rester à Lille iront voir Intenable et Overflow Guy au Pico Bistro, boulevard Bigaudanel, toujours ce vendredi. J'en ai fini avec les concerts pour ce vendredi. Maintenant, qu'est-ce que je vous passe? Eh ben, une petite nouveauté qui est nouvelle. Alors que quand même, je vais vous faire écouter un son qui semble tout droit sorti des sombres années 75-77. C'est quand le rock'n'roll était en train de se transformer en punk. Mais ça date de 2023. Ça vient de New York. C'est un artiste qui s'appelle Jean Mignon, ou alors Gene Mignon, je ne sais pas. C'est plutôt Jean Moignon. Hein. Ouais, voilà. Donc il a sorti son premier effort le 31 janvier dernier. C'est dispo sur son Bandcamp, Jean Mignon. T'as dit point premier Bandcamp, premier effort. Ah, oui, ça va pas plaire à Schnapp, ça. Bah, ouais, c'est parce que. Ouais, il avait fait un post en disant ouais, Schnapp, qu'est-ce que c'est que tous ces gens qui ont eu le premier effort, Schnapp, c'est premier de... opus, n'importe Schnapp, quoi. C'est Gaston Lagaffe. Donc il n'aime pas le mot le effort. Gaston Lagaffe de la FM. Voilà. Donc Jean Mignon.bandcamp. Comme il a l'air bien cintré, il fait une fixette sur les mobilettes. Hein. Il y a des titres comme Moped with a Gun, Rebel Rider, Vroom Vroom, ou alors Million Dollar Moped. Ah. Et celui que je vais vous passer ici, Asshole on a Moped. Ah, tu connais pas, il a un inédit qui s'appelle 103 SP. Ouais, voilà. Et puis ensuite, pour ne pas quitter le domaine de la mobilette en folie, je vous ramène à Croydon en 74 ou 77, je sais plus. C'est Johnny Moped, en français Jeannot la mobilette. Excellent, hein, tout le monde connaît. Qu'est-ce qui avait fait Moped Lads déjà? Moped Lads, ouais, enfin oui, je vois qu'il bien, ouais, ouais. Donc voilà, il y aura Johnny Moped avec leur tube Hard Lovin' Man. Et en rap, avant, on entend, oui, d'ailleurs, on entendra tout un discours de Johnny Moped lui-même, le chanteur. Mais avec en exclusivité un pour super Pyongyang, joli petit accent cockney et s'enregistrer au Roxy, là où ne n'allait pas crasse. T'as enregistré donc, ça en quelle année? Premièrement, 77. tu premièrement, t'es plus si jeune déjà. Jean Mignon avec Asshole on a Moped, suivi de Johnny Moped avec Hard Loving Man. Okay. Tomcats. It's real hot in this joint. I rather prefer a sauna myself. Okay, everybody, are you feeling all right? Or are you half pissed or half knackered or what? Right, we should be out boozing, shouldn't we? And Paul going. It's a Saturday night, isn't it? Hello, someone's been stabbed. We want to see everybody pogo, get into things, you know, sort of, you know, get it together, you know what I mean? Do you know what bludgeons are? They're sort of sticks which cracks a poor skull, bloke's skull open, okay? And maces are basically iron balls with chains with spikes on it, which only do some more damage than good. And basically, I got one backstage if anybody don't start pogoing and dancing and all that. So let's go, okay? You got a pogo for this number. Basically, it's called Our Loving Man. C'est fini. Ouais, c'est bien. En plus, t'as l'ambiance des concerts à Londres en 77. C'est bien. Voilà, Johnny Moped, quoi. Ah, c'est mieux. Et il y a plein de gens qui disent maintenant qui disent que Johnny Moped c'était mieux que les Pistols. C'était mieux avant. Clash. C'était mieux. Non, en même eux, temps, en même temps, si t'aimes les Pistols, ça... enfin, je vais faire un jugement, mais. Tu juges. Non, ah ouais, je juge les gens qui aiment les Pistols. Bah, quoi, bah, ouais. Ah ouais. Ah non, je... Ah bah ouais, je juge. Ah, je déteste les Pistols. Moi, je suis Nicole Ramones plus que Nicole Sex Pistols. Ah ouais. Et d'être Kennedy's, vous aimez? D'être Kakanis. Ah ouais, ça j'aime pas. J'adore. Bon allez. Et de toute façon, les meilleurs, c'est slime. Allez, hop. Le slime vert slim. Comme dans Ghostbusters. Slim. Slim. En allemand, slim. Slim. Slim. Slim. Moi, j'avais envie de vous parler des Bikini Kill avec le morceau Rebel Girl. Et Bikini Kill, c'est un groupe de punk rock américain originaire d'Olympia, État de Washington. Pourquoi tu lèves les mains? C'est parce qu'il me braque avec une lumière. Parce que tu sais qu'il y avait souvent dans le public de Bikini Kill, Kurt Cobain. Ah, ouais. Ah, quel homme de goût. C'est d'ailleurs là qu'il a rencontré sa future femme qui faisait ses études à l'université d'Olympia. Courtney Love. Courtney Love, et qui après, du coup, bah ça, c'est, bah ça, et mec, moi j'ai grandi dans les années 90, hein, donc moi j'ai, je me suis un pris le grunge en pleine gueule. C'est un jeune duster. Hein. Mais et c'était très bien, j'ai adoré me prendre le grunge en pleine gueule aussi, moi. Du coup, Bikini Kill, bah, formé en octobre 90, groupe considéré comme précurseur du mouvement Riot Grrrl. Brûle. Avec 4 R. Avec 5 ou 6. 3, je crois. Je crois qu'il n'y en a que 3, mais il n'y a pas de I. Avec 12. Et donc, du coup, de par son propos antisexiste et radical, le groupe a inspiré de nombreux groupes de punk féminin des années 90 jusqu'à 2010. Allez, allez, comme ça. Babes in Thailand, L7. Ouais, Dollfight. Ah, ça, je connais pas. Pussy Riot. Ah, Pussy Riot, ça, c'est bien plus tard. Ouais, mais c'est, là, ça va de 90 à 2010 ah oui, à okay, peu je près. C'est juste 30 ans, quoi. Dans la foulée, quoi. Non, non. C'est, ça a vraiment été super marquant pendant longtemps, longtemps, et même encore aujourd'hui, en fait. Et puis Hall, l'air de rien, qui est quand et même Hall, un qui est groupe, super associé à Bikini Kill aussi. Et le Tigre. Mais j'en parle après, parce que j'ai prévu de passer un morceau du Tigre, histoire de boucler la boucle. Et donc, ce positionnement leur a valu quand même pas mal de salves de menaces, d'insultes et autres agressions de la part de leurs détracteurs, majoritairement masculins. Désolé. Et donc, le titre que j'ai choisi, qui s'intitule Rebel Girl, avec un isque aussi, est sorti sur l'album Yeah. Qui est sur ce coup-là, qui est paru en 92. Ouais, c'est rigolo. Mais voilà, voilou. Et ben, si Jérémy, tu es prêt, et ben, allons-y. Pyongyang City classique. Ouais. Ça manque de classiques quand même dans Pyongyang City Rockers et c'est cool d'en avoir de temps en temps. Ouais. Et ben j'en profite pour faire un clin d'œil au Pinko de Female Trouble qui, je pense, ont commencé leur tout premier épisode avec ce morceau-là ou un truc. Enfin, c'était dans les tout premiers morceaux qu'ils ont passé. Ouais. Female Trouble qu'on peut retrouver régulièrement sur Droogies. Ouais, le jeudi. Org. Le jeudi, ça doit être à, si je dis pas de bêtises, à 18h. Voilà. Allez, on va passer maintenant à un morceau. Qu'on avait été les premiers sur le coup en plus de ça lorsqu'ils avaient sorti leur premier son. On est content de voir qu'ils sortent leur nouvel EP chez les poteaux de Primator Crew. Deux autres labels sont sur le coup aussi, Tough Ain't Enough et Destroy que je ne connaissais pas du tout. Je vous parle des Irlandais de Waterford. qui n'ont pas été, qui n'ont pas arrêté d'être actifs depuis la sortie de leur 10 pouces éponyme qu'on vous a passé. 25 millions de fous. Ouais. Même ici, je pense qu'on a passé au moins 3 morceaux du même disque. Ouais, et plusieurs fois. Hein. Ils ont des clips bien baraquis, des gars qu'on a forcément dans notre entourage. Alors forcément, on est un peu plus sensible à la musique que Tony, Kevin and Aaron du groupe Simpos nous propose. 4 morceaux sur ce 7 pouces, dont un morceau clippé qui s'appelle The Pub, qui fait un peu réponse au premier clip qu'ils avaient sorti, qui s'appelait On the Scratcher, ouais, qu'on avait chroniqué à Pyongyang City Rockers tellement... On avait aimé le côté de Charles Castel-Roussin. Non, Castel-Roussin, c'est Châteauroux. Carolo Ragien, du clip. Donc, entendez par là une ambiance très Charleroi. Même à un moment, ils font un doigt à Skinhead. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Sur le premier clip. Ça, alors là, c'est une belle surprise que nous fait Primator Crew, parce que je ne m'y attendais vraiment pas que ça allait sortir sur ce label-là. Je vous propose d'écouter le morceau It's Okay to Love Oi. Vous pouvez écouter de la Oi. Vous êtes d'accord? Il n'y a pas de problème. Et puis je vous invite à aller mater leurs clips, hein, qui sont bien bien fandards. Ouais. Simpos, oui, sur le 106,6 avec un. Non, c'est une nouveauté tout simplement. It's Okay to Love Oi de Simpos. Tu passes un truc ou merci Gaël. Ouais, je vais passer un morceau derrière. Ah bah c'est lui, non, voilà, c'est moi qui vais passer un morceau derrière. Ouais. De toute façon, il y a la console, donc on peut rien faire. Voilà, c'est ça. Bon. Vous écoutez Pyongyang City Rockers, hein, c'est l'émission de pouvoir avec un peu de... Monsieur, le barbu qui est au pouvoir. Voilà. Un peu de junk and roll hyper strange avec le groupe Snare Kills. C'est pas du junk and roll. Junk. Donc, ça te parle pas? Bon, non. Tant pis, c'est pas grave. Lâcher du brin, quoi. Des trucs de jeunes qui mangent du McDo? Avec des phrases de guitare indescriptibles et violentes, méticuleusement construites, qui sont grattées sans effet. Des voix aiguës qui frôlent la folie et un corps rythmique qui emballe autant de notes que possible. Un corps rythmique, cool. J'espère que vous êtes prêts pour découvrir avec nous ce groupe des années 2000, Snare Kills, donc les tueurs de Caisse Claire, hein. Ouais. On est d'accord. Ouais, ou les massacres à la avec Caisse Claire. Avec leur morceau Branching, ces petits japonais, toujours Fukuoka. Encore. Toujours. Allez, tout de suite sur les ondes de Radio Campus 106,6. Bah, si vous voulez nous payer un voyage au Japon, n'hésitez pas à nous envoyer des sous sur Radio Campus, sur campuslille.com. Vous avez l'option don, vous pouvez l'utiliser. Yeah! Moi je dis l'audace. C'est l'interview de l'audace. Que d'audace. Tiens, bon, pour l'audace, j'ai eu l'audace d'oublier un truc vendredi, c'est que ici même à Radio Campus, et donc tout partout sur la Terre, pour vous, vous branchiez sur lecampusil.com, il y aura de 21h à minuit un concert live en direct de Désingue, groupe Dunkerquois et Punk Rock Ska tout à la fois, c'est incroyable. Et c'est organisé par les gros vilains de Trois Cordes et un cerveau, et l'émission qui a lieu le jeudi à 21h sur Campus. Oui. Et du coup, ce live, il sera écoutable et en direct ce vendredi, c'est ça? Oui. Ce vendredi 10 février. Yavol. Sinon, encore quelques concerts là, samedi, c'est pas un concert, mais bon, il y a Yolande Bashing qui présente son nouvel album qui paraîtra seulement le 17. Et ben, dès le 11 février, vous pourrez en entendre et en discuter avec Yolande Bashing soi-même au Distro 6 rue Georges Mertinche à Lille, près de Répu. Tu sais, t'es cono le Distro. Sinon, à Courtrai, au Pits, il y aura Primal Truth, Five Across et Low Life. Wartenville sur 30 000 Monkeys, puis Ashturn et puis Chevalski, qui fait, c'est un groupe de sludge, moi j'aime bien ce nom, Chevalski. Oui, c'est bon, entre Cheval et Pauvre. Toujours samedi, hein. Vendredi, il a déjà dit. Yo. Trop tard, tu n'étais pas là. samedi, mais à Lille cette fois-ci, au cabinet d'architecture 24 rue des Postes, un concert Upper for Veneration qui regroupera les Soucoupes Violentes et Foggy Bottom. Dit Greg Smets. Bonsoir Greg. Marché au pont, Rockville, il y aura l'Orchidée Cosmique, Jenkinses, Jack of Art et The Bollock Brothers, donc très certainement dans le public, il y aura aussi Wolf. Mais bon, c'est un peu loin, c'est quand même près de Charleroi. Il y aura peut-être François aussi, hein, vu qu'il a fait le clavier pour un de leurs albums. Et puis sinon, retour à Lille, Fivo Musical, il y aura Overville et Paul Pechnard. Overville, c'est le projet solo de Ficrette, le gars qui faisait de la guitare et le chant. Et la composition de l'excellent groupe punk hardcore La Gangrène, il y a une vingtaine d'années. Et ben maintenant, ce qu'il fait, c'est la même chose, mais en folk. T'as une musique qui ressemble beaucoup, mais c'est un peu assagi. Par contre, il y a des paroles toujours un peu, bon, des fois un peu en dedans, quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et tout ça, c'est un concert avec Paul Pechnard, mais lequel, 3 ou 4? Non, le papa. Enfin, Stick a été dans les Dogs en 75, tu sais. Okay. Voilà, et qui joue toujours. Bon, voilà. Sinon, maintenant, musique, maestro, je retourne en 1982 à Richmond, en Virginie, pour honorer Honor Roll. mais là-bas il y avait Honor Roll qui ont commencé par faire du hardcore punk et puis à partir de 85 ils se sont tournés vers un post-punk tout en tension, tout comme le titre que je vais vous passer maintenant qui est la charnière de ces deux époques, hein. Ça s'appelle Judgment Day. Je sais qu'il y a au moins une personne à Lille qui a ce 45 tours, mon schnapps, et le jour où tu t'en sépares, pense à moi, poulet, parce que sinon c'est carrément un trouvable. Voici donc Honor Roll avec Judgment Day, écoutez-moi ça, c'est magnifique. Around me. je voulais pas dire, mais c'était fini, hein, sans vouloir me vanter. Il nous reste un petit 7 minutes 30 à passer ensemble sur Campus 106,6, c'est Pyongyang City Records numéro 280, et voici... Le tigre. Le tigre, oui. Oui, avec le titre DDMT. C'est mignon, le petit petit chat, c'est trop chaud. Petit chat. Et donc du coup, on boucle le chapitre Bikini Kill. Avec le chapitre, d'ailleurs, le chapitre. Le chapitre. J'arrive pas à lire, je suis mort de rire. On sait plus lire, hein. Ça c'est le naufrage de l'éducation nationale. Ah ouais, hein, ouais. The boat are sinking. Ah ouais, c'est clair. Du coup, le tigre qualifié d'électro-clash, fondé par Kathleen Anna, chanteuse principale de Bikini Kill. Le tigre et Riot Girl. Tout ça, bah c'est la même meuf en fait. Groupe du coup emblématique du même mouvement, etc. On reste encore dans une approche fort, plus engagée, punk, et notamment militantisme plus lesbien sur le tigre. Ah bah bravo. Ouais, il faut mettre des étiquettes, des épingles. LGBTQIA+. Oui, et je vous invite à regarder sur Google, il y a tout un alphabet complet avec tous les. C'est fort instructif. Le caractère spécifique des concerts du tigre. Tiens. Au fait qu'ils allient concert punk, projection vidéo, réunion politique et moment de chorégraphie et de danse, etc. C'est elle, quoi. Il n'y a pas des massages au bout du tigre en même temps. Si, mais ça, c'est arrivé après avec le litchi. Ils font ça à la griffe. Le tigre, 4 albums entre 99 et 2004, une grosse dizaine de singles EP sortis en autoprod sur le label Mr. Lady, label féministe, lesbien, indépendant. Obviously. Plus. Cuir. Voilà. Zizi MT. Zizi MT. Allons-y. Oui. Enfin, il est bientôt l'heure de rendre l'antenne. Je crois qu'il est temps de vous dire une bonne soirée. JD avec Teeth Grinder. Et oui. Puis après ça, il y aura Nico avec B-Boy Bouillabaisse. De l'abstract hip-hop. Et après, du hip-hop concret avec Camos et la bande. Voilà. Ce soir, c'est occupé. Et du coup, on finit avec Shit Kid, Sugarton, ce groupe de synth-pop garage lo-fi suédois au goût de hareng fumé. Ah, c'est pour toi, j'ai pensé à toi. Avec des RL. Ah ouais. Et du coup, la chanteuse à l'origine du projet souffrait pas mal d'anxiété et en montant sur scène pendant longtemps. Elle a mangé des poissons, ça va mieux. Ouais. Et du coup, ça, elle a bidouillé des trucs avec du non matériel qu'elle avait et ça a donné Shit Kid. Et puis elle a vite trouvé son public. Et après, elle a rencontré une autre meuf, un duo. Et puis ça a fait plein de P, plein de machins. Ouais. Et voilà. Toujours sous le nom de Shit Kid. Ouais, toujours sous le nom de Shit Kid. Et produit par le label suédois Punk Slime. P-N-K-S-L-M. Voilà. Ils font chier à enlever les voyelles, hein. C'est pas possible. Voilà. Bah nous on enlève l'antenne. Allez, des bisous, à la semaine prochaine. Ouais, pour le 281ème de Pyongyang, City Rockers. Et on n'oublie pas. Akab. All Cats are beautiful, bien sûr. How hard does it kick then, huh? You know he better kick me good. I'm on sugar me a ghost when I die, right? I call that sugar time.